si ensemble sans savoir là nous t'es calé. On est bateau sans mettre, nous t'es parti à la dérive. De check une fois j'ai toujours qu'à besoin de compagnie. Mais moi pas te savais que c'est au que moi t'es gagné. Parce que à d'un rêve moi, c'est vous moi t'es cavé. Et moi pas te pire aimé fort. À d'un rêve moi, c'est vous moi t'es cavé. Et moi pas te pire touché. C'est à six plages à où que moi échoué. De tchèques qui j'ai blessé, toujours qu'a besoin d'oublier. Un petit moment avec pour moi, c'est ça qui est important. Moi, t'es qu'éveil par plus, mais tchèques, moi j'ai déchiré. Pourtant, à d'un rêve, moi, c'est vous, moi t'es cavré. Et moi, pas t'es perdu ça. Adam rêve en moi, c'est vous moi t'es cavé, et moi pas t'es pétouché. Moi envie conjuguer l'amour à l'infini, pour rêve en moi péville ni réalité. Et pour pas s'arrêter, rêve en moi, mais t'as compté si moi. Poupé ça quitte ou parti. Si c'est l'amour créole. C'est où que soulager moi? Bon, si nous te qu'à vivre, rêve à moi, rêve à moi. Mais par contre, si moi, on fait ça quitter où? Allez. A d'un diffé à moi brûlé moi. Et pourtant moi j'ai savé l'amour pas si facile qui ça. Là où comprend nous j'ai guéri. Où est commencé on notre vie. Ni des images qui gravaient. Et que ou bête t'es effacé. Rêve à moi. Je savais, l'amour pas si facile qui ça. Là où on peut nous jaguer. Où est commencé en notre vie. Ni des images qui gravaient. Et que ou peut-être effacées.